Tanganino. Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 9 juin 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'Assemblée nationale analyse en ce moment le projet de loi organique portant révision de la loi des finances publiques du 4 décembre 2008. Et au marché de Kayanzala, on observe depuis une semaine une baisse des prix du haricot qui coûtait 2000 francs burundais le mois passé et qui aujourd'hui s'achète à 1300 le kilogramme, alors que le prix de la pomme de terre est passé de 1000 à 700 francs burundais. Notre correspondant sera en ligne de Kayanzala pour des détails. Et le président de la République tranquillise la population burundaise en affirmant que la justice burundaise commence à changer positivement son image. C'était ce mercredi lors de la célébration de la journée nationale du patriotisme et de la commémoration du deuxième anniversaire de la mort du président Nkurunziza. Et la zone Gatumba et les collines Kinyinya de la zone Rukaramua, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, manquent d'eau potable. La régie des eaux est au courant de la situation selon les responsables administratifs. Reportage à suivre dans cette édition. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, la Cour des comptes aura désormais les compétences de poursuivre l'auteur de mauvaise utilisation des fonds publics. Annonce jeudi par le ministre des Finances lors de l'analyse à l'Assemblée nationale du projet de loi organique portant révision de la loi du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques. Le ministre Domitien Dihoku Gayo a en outre indiqué que le budget programme fonctionnel avec le budget de l'État exercice 2022-2023 de début juillet sera collecté par usage des nouvelles technologies de l'information. Le président de la République tranquillise la population burundaise en affirmant que la justice burundaise commence à changer positivement son image. C'était ce mercredi lors de la célébration de la journée nationale du patriotisme et de la commémoration du deuxième anniversaire de la mort du président Nkurunziza. Évariste Ndayishimiye a indiqué que la première action a été d'écarter les corrompus des instances judiciaires. Le président burundais appelle toutefois les citoyens à abandonner la mauvaise habitude de couvrir les fautifs. On l'écoute dans la traduction d'Armer Mutore. Nous nous sommes récemment réunis avec différents responsables de la justice et j'ai pu m'enquérir de comment eux-mêmes comptent redresser ce secteur dans leurs provinces respectives, des solutions proposées pour pouvoir faire face aux défis de la justice. Ils ont exposé le fait qu'ils sont malmenés et intimidés et m'ont recommandé de mettre d'abord en application les sanctions contre les magistrats et juges coupables de corruption si je voulais vraiment réformer ce secteur. J'ai été stupéfait d'entendre qu'il existe des juges et magistrats coupables de corruption ayant été jugés et condamnés et qui sont ensuite reconduits dans leur travail dans la même circonscription. Comment la population pourrait-elle avoir du crédit pour ces juridictions? Me suis-je interrogé. C'est pourquoi, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, nous sommes dans un processus de rassembler tous ces dossiers pour suivre les procédures normales. Nul n'ignore que l'impunité engendre l'anarchie dans un pays. Au niveau de la justice, nous avons donc mené des enquêtes approfondies et minutieuses au niveau de la population pour cibler les magistrats et les juges non corrompus et intègres dans toutes les provinces du pays. Je vous assure que moi-même, j'ai pu me rendre sur terrain pour m'assurer que ces personnes ont vraiment la confiance de la population. Si la tête se porte bien, c'est tout le corps qui s'en trouve revigoré. Je vous donne mon assurance que ce travail a été bien fait. Je vous interpelle néanmoins de les épauler, de ne pas fermer les yeux sur les fautes commises. C'est une mauvaise habitude. Il faut plutôt dénoncer ces infractions pour que la justice fasse son travail. Ce qui est maintenant très préoccupant, ce sont les anciens procès mal jugés, mais nous allons les redresser et prendre une nouvelle orientation pour les nouveaux, afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs. Le président de la République, à cette même occasion, l'ex-président Domitien Ndayizeye, qui a pris la parole, a souhaité que les Burundais soient solidaires et patriotiques dans leur diversité. Selon lui, c'est incompréhensible de constater que des Burundais composés par trois catégories sociales seulement ne parviennent pas à garder une cohésion sociale, alors qu'il y a des pays avec plus d'une trentaine d'ethnies qui cohabitent pacifiquement. Un enfant a été tué par des chimpanzés qui s'observent sur la colline Nyamirinzi en commune Vuguizo de la province Makamba et qui s'attaquent violemment aux femmes. Et cela depuis lundi. La population demande avec insistance qu'ils soient éloignés de cette localité afin que ces animaux ne puissent pas continuer à la perturber dans ses activités champêtres de tous les jours. Le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement fait savoir qu'on est en train de voir comment remédier à ce problème. Élisée Cuisée, la correspondance. Suite à la mort d'un enfant tué par le chimpanzé quand sa mère essayait de se défendre contre cet animal qui l'attaquait violemment ce lundi, et une autre femme également gifrée par ces mêmes animaux ce mardi sur la colline de Nyamirinzi, en commune Vuguizo dans la province de Makamba, tout est quand elle est rentrée des champs, la population de cette localité, qui se dit inquiétée du comportement de ces animaux, demande avec insistance qu'ils soient enlevés de cette place pour qu'ils puissent évacuer librement de leurs activités champêtres de tous les jours. Selon le chef de la colline Fares Kaboura, ils s'observent souvent des grands chimpanzés et parviennent même à circuler dans les ménages. À l'instar de la population de cette colline, ils demandent aux responsables de l'environnement l'enlèvement de ces animaux pour que les époux ne soient pas induits en infraction une fois tués ces animaux en défendant leurs épouses. Joseph Nyongabo, le chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement fait savoir qu'on cherche à remédier à ce problème dans l'immédiat et conseille surtout aux femmes et aux enfants d'être en compagnie quand ils se rendent au champ. Depuis Makamba, Élisée Cuisera pour la radio Isanganiro. Merci Élisée Cuisera. On revient sur la déclaration de l'ex-président domitien Hendaye Zeye hier à Gitega à l'occasion de la commémoration du deuxième anniversaire de la mort du président Nkurunziza et de la commémoration de la journée nationale du patriotisme. Burundi turabufise kandi abarundi turahari. Nous avons le pays et les Burundais sont également là, dans toutes les composantes sociales. Nous avons revenu sur cette question, mais il faut savoir qu'il y a des pays qui ont plus d'une trentaine de composantes sociales et qui cohabitent pacifiquement. Pourquoi nous ne parvenons pas à gérer trois composantes sociales? Raison pour laquelle je reviens au sujet du jour, le patriotisme. Ce sujet est très important, les gens ne devraient pas. Car les pays ont déjà délimité les frontières avec les populations et l'existence des cartes d'identité, ça devient difficile quand on quitte son pays natal. Comment nous allons le faire? Il faut accepter ce que nous nous sommes convenus. La dictature ne nous avantage pas. Plutôt, les gens dépensent les richesses gratuitement. Imaginez l'argent dépensé en Ukraine. Pour réussir à vivre ensemble, l'avant de la démocratie est la seule. Dans nos diversités, nous avons des idées différentes. C'est pourquoi nous avons choisi la voie de la démocratie. Il n'y a pas de troupe sans commandant. Avec les idées divergentes, c'est difficile de mettre sur les mêmes orientations. Je vous invite d'être solidaire et d'avoir de l'humanité. L'ex-président de la République, Domitien Ndayi Zeye. Je vous l'avais dit dans les titres, baisse depuis une semaine des prix de certaines denrées alimentaires au marché de Kayanza. L'exemple étant celui du haricot qui coûtait 2000 francs burundais le kilogramme le mois passé et qui aujourd'hui s'achète à 1300. La pomme de terre est passée de 1000 à 700 francs burundais le kilogramme. L'explication donnée est que c'est la période de récolte pour certains produits agricoles. Adelin Niyonsaba, directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Kayanza, conseille aux agriculteurs de ne pas se laisser tromper par des commerçants spéculateurs qui les incitent à écouler le gros de leur production agricole au marché. Patrick Stringiumfa. Lors de notre passage au marché de Kayanza, nous avons constaté que le prix de certains produits agricoles a baissé il y a une semaine, comparativement à la hausse des prix de ces mêmes produits qui s'est observée le mois passé. Le prix dit haricot communément appelé quinolé par exemple, a passé de 1400 francs boulot kilo à 1300 francs au moment où celui appelé communément kilundo qui s'achetait à 1700 francs le kilo, aujourd'hui s'achète à 1200 francs. Le haricot jaune de son côté qui se vendait à un prix de 3000 francs boulot kilo le mois passé, aujourd'hui s'achète à 2500 francs au marché de Kayanza. À ce même marché, le prix du riz a également baissé. Le riz appelé Kigoli qui coûtait 2500 francs le kilo, aujourd'hui s'achète à 1200 francs. Au moment où celui d'Irugombo, le prix a passé de 3000 à 2500 francs le kilo il y a une semaine. Parmi les produits agricoles dont le prix a baissé au marché de Kayanza, figure également la pomme de terre, ou celle appelée communément Kijumbu. Le prix a baissé à la 2000 francs à 700 francs le kilo, au moment où Ndinda Magara de son côté, le prix a passé de 2050 à 700 francs. Le manioc dont le kilo s'achetait à 700 francs aujourd'hui se vend à 500 francs, selon les vendeurs et acheteurs au marché de Kayanza contactés. Tous ces deux côtés expliquent que la cause principale de cette baisse remarquable du prix de certaines denrées alimentaires et que c'est la période de la récolte pour beaucoup de ces produits agricoles, étant donné d'ailleurs, selon lui, que le rendement agricole a été meilleur surtout pour le haricot. Adelin Nyonsaba, directeur du bureau en charge de la protection de l'environnement, l'agriculture et l'élevage à Kayanza, conseille aux agriculteurs de ne pas gaspiller leur production agricole en écoulant sa grande partie au marché. Et puis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Merci Patrick. Le marché situé sur la colline Rubirizi en commune Mutimbuzi est en cours de modernisation. Les commerçants œuvrant dans ce marché saluent ce projet qu'ils trouvent bénéfique. Selon eux, cette infrastructure va constituer un centre d'arrivée des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays. Ils demandent aux chargés des travaux de les finaliser avant la saison pluvieuse. Jean-Claude Nzambimana, reportage. Ce marché en cours de modernisation a une longueur de 96 mètres et de 48 mètres de large. Les activités ont commencé au mois de mars dernier. Une partie de ce marché est déjà pavée. Le pavage sera suivi de la construction des stands. Les commerçants œuvrant dans ce marché saluent l'initiative de moderniser ce marché. Nous avons bien accueilli le projet de moderniser ce marché. Car pendant la saison pluvieuse, nous travaillions dans la boue. Il n'y avait pas de clients parce qu'ils échappent à cette situation. Lorsque nous voyons notre marché en cours de construction, nous espérons avoir des clients. Ceux qui allaient s'approvisionner en ville pourront venir ici. Quand nous nous comparions aux autres marchés, nous étions vraiment en arrière. Au moment où le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, avait promis le 28 mai dernier le projet de faire son marché en point d'arrivée des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays, les commerçants trouvent bénéfique ce projet une fois mis en œuvre. À partir d'ici au marché de Kotebu, nous payons le double du transport. D'abord, du marché jusqu'à l'endroit dit quoi commune et de là jusqu'à Rubirizi. Nous dépensons énormément en déplaçant nos marchandises. Si nous nous approvisionnons ici, ça sera plus économique. Ces commerçants demandent aux chargés des travaux de fournir plus d'efforts pour terminer avant la saison pluvieuse. Qu'ils fournissent plus d'efforts pour que nous ayons le nouveau marché modernisé avant la saison pluvieuse. C'est pour le bien-être de la population en général, des commerçants et des consommateurs en particulier. Si le projet de faire son marché un carrefour des denrées alimentaires au niveau de l'administration communale, il fait savoir que ça reste un projet. On attend une décision finale. Merci Jean-Claude. 25 ans de prison ferme et un dédommagement de 3 millions de francs burundais, telles sont quelques-unes des peines requises par le parquet de la République d'Ngozi contre un homme d'une cinquantaine d'années accusé de viol sur une vieille de 80 ans, tous de la colline Guitaro, en commune Kirimba de la province Ngozi. Les faits se sont passés la nuit de vendredi à samedi passé. L'homme en question n'en nie pas les faits, les accusations portées contre lui, mais demande le règlement à l'amiable dans la famille. Sinon, alléger la peine jusqu'à 10 ans. Le tribunal de grande instance de Ngozi a mis ce dossier de flagrant à huis clos et sera prononcé vendredi. C'est demain donc. Et les responsables des restaurants, bars et hôtels de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura sont appelés à renforcer la sécurité et l'hygiène dans leur lieu de travail. L'administrateur de Mukaza, Renova Cindy Hebura, qui les a rencontrés ce jeudi, explique avoir constaté que la plupart de ces endroits manquent de latrines pendant que d'autres laissent des eaux usées se déverser dans des caniveaux. Un délai d'une semaine a été donné à ces responsables pour se ressaisir avant de se voir infliger Des amendes. Et puisque nous parlons salubrité, la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura vient de passer 5 mois et plus sans eau potable. Les habitants qui se sont exprimés au micro de la rédaction Isanganiro déplorent cette situation, d'où souvent ils sont obligés de se rabattre à l'eau sale. Le chef de zone Gatumba, Hussein Nahitoua, affirme connaître ce problème et déclare l'avoir déjà soumis à la régie des eaux. Ornella Mocho. Les habitants de la zone Gatumba, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, déplorent la pénurie d'eau potable observée. Ça fait plus de 5 mois. L'une des habitants de la colline Waluwondo de cette zone, Odile Nyonguru, dit que c'est difficile d'avoir régulièrement 1300 francs pour acheter un bidon. C'est devenu une casse-tête. Nous venons de passer 5 à 6 mois, sans aucune goutte d'eau. Mon mari peut avoir l'argent pour la ration et manquer l'argent d'acheter l'eau. Ça reste un problème. Serafine Ndikumana craint les maladies liées aux mains sales. Et quant à Jean-Marie Nyongabo, il demande aux responsables de trouver solution à ce problème. Les enfants boivent aujourd'hui l'eau sale, l'eau contenant des insectes. Les enfants passent toute la nuit à pleurer à cause des maux de ventre. C'est vraiment malheureux. On ne fait plus la lessive puisque avec un bidon acheté à 1300 francs bout, ça devient difficile. Je peux avoir laissé une ration de 5000 francs bout à ma femme et en revenant à la maison et m'expliquant que c'est parce qu'elle a acheté 3 bidons à 3900 francs bout. Et pour moi, pour gagner 5000 francs bout, c'est difficile. Alors tout se complique. Le chef de zone Gatumba, Hussein Nahetwa, indique que cette question est en train d'être suivie. Nous sommes au courant de cette situation et c'est dangereux pour la population de cette localité. Nous avons soumis cette question aux responsables de la régie des eaux. Ils nous ont expliqué que c'est suite à une pompe d'eau endommagée. Ils nous ont promis de vider cette question le plus tôt possible pour normaliser la situation. Cette question de manque d'eau potable à Gatumba s'observe souvent aussi au quartier Kajaga, aux collines 1, 2 et 3 de Kininya, en zone Lukaramu. Merci Ornella Mucho. Et pour boucler ce journal, sachez que l'équipe nationale de football Inhamba Murugamba affronte ce jeudi la sélection camerounaise pour son deuxième match, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023. Ce match se joue à Dar es Salaam à partir de 15h, heure de Bujumbura. C'est dans moins de 2h et sera retransmis en direct par la radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 13h14 à Bujumbura. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Ansel Mirambona pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana. Passez un bon après-midi.